La mise en onde est assurée par Benoît Morichonzi. Bonjour et bienvenue à ce journal, le grand rendez-vous de la mi-journée en langue française, dont voici tout d'abord les principales articulations. Le souhait du premier vice-président de la République est qu'aucun élève brillant ne devrait abandonner l'école pour manquer de moyens. Il a émis ce souhait ce lundi à l'école d'excellence d'Ungagara, où il s'était rendu pour payer le minimum des élèves avec bonne note. Suspension ce lundi de l'école privée Future Hope School, se trouvant au chef-lieu de la commune Rugombo-Nsoma en province, à Chibitoke. Cette école est accusée de travailler dans l'illégalité. Au sommaire également, c'est le match retour entre les équipes nationales du Mali, les Aigles du Mali et les Hirondelles du Burundi. C'est le Mali qui est en tête dans la poule C, suivi du Burundi avec 5 points. Enfin, vous en avez l'habitude tous les mardis. Vous avez droit à la chronique santé aujourd'hui. On va vous parler d'une maladie virale contagieuse. Voilà pour les grands titres. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Bonjour, ouvrons ce journal par la page éducation. Le premier vice-président de la République souhaite qu'il n'y ait plus d'élèves brillants qui manquent de moyens pour aller à l'école. Gaston Sindimoura a déclaré ce lundi à l'école d'excellence de Ngagala où il s'était rendu pour payer le minimum aux élèves qui ont une bonne note. Au total, 74 élèves ayant obtenu plus de 70% ont bénéficié de cet appui. Oban Nyonghur. Les bénéficiaires de cet encouragement sont de trois catégories. La première est constituée des élèves qui ont eu 70% et plus, à qui le premier vice-président de la République a payé le minerval du premier trimestre. La deuxième catégorie est constituée des élèves ayant obtenu plus de 90% à qui Gaston Sindimo a payé le minerval pour deux trimestres. L'élève qui a lu plus de livres que les autres, soit 52 livres, a eu droit au paiement de tous les frais scolaires annuels. Gaston Sindimo a indiqué que c'est dans le but d'encourager les meilleurs élèves. Nous demandons aux administratifs qu'il n'y ait plus d'élèves brillants qui abandonnent l'école sous prétexte qu'ils manquent de moyens. Cela ne doit pas avoir lieu aujourd'hui. Les élèves qui se distinguent doivent être soutenus par l'administration de la base au sommet. Si demain vous entendez qu'il y a un élève brillant qui manque de moyens, il faudra nous en informer et nous allons lui trouver de moyens pour étudier. Le président du conseil des parents, Léonard Nsengiyumva, a relevé l'insuffisance de certains matériels didactiques. Léonard Nsengiyumva a aussi réclamé les primes d'encouragement pour les enseignants. L'école d'excellence d'Ungagara compte 256 élèves provenant de 4 provinces dont Bujumbura, Bujumbura-Mairi, Bubanza et Chibitoke. Merci Aubin Nyonghuru. Toujours la page éducation. La direction provinciale d'enseignement à Chibitoke a pris la décision de suspendre le quatrième cycle de l'école Future Hope School, se trouvant au chef-lieu de la commune Rugombo. Accusé de travailler dans l'illégalité, le directeur de cette école tranquillise les élèves. Que d'ici peu, ils auront repris leurs activités, expliquant que les documents exigés sont en train d'être cherchés. Egide Ngandambidi, directeur provincial de l'enseignement à Chibito, qui appelle les propriétaires de travailler dans la légalité, les propriétaires d'écoles privées de travailler dans la légalité. Richard Kubgarukira. C'est le directeur provincial de l'enseignement dans la province Chibitoki qui a pris cette mesure de suspendre le quatrième cycle à l'école Hope Future School, une mesure qui a été prise jeudi dernier. Le directeur provincial de l'enseignement, Émile Ngendambizi, a fait savoir que cette école n'avait pas de documents l'autorisant à travailler dans la légalité. Dans la légalité, soulignant qu'il n'avait que des documents d'ouverture pour le premier cycle. Il y a une école dite Hope Future School de Chibitoke que nous avons suspendue jeudi dernier. Nous avons constaté que cette école était en possession des documents d'ouverture pour le troisième cycle seulement, mais elle n'en avait pas pour le quatrième cycle. Donc, une école qui travaille sans les documents d'autorisation ne peut pas continuer à fonctionner. Notre appel à l'endroit des directeurs et des représentants légaux des écoles privées, c'est qu'ils doivent poursuivre des démarches administratives pour avoir des documents qu'il faut. Quand on ouvre une école sans documents, ça devient un problème. Théophile Mutsing, le directeur de Future Hope School, lui indique qu'il croyait qu'avec cette lettre d'ouverture, qu'avec cette lettre d'agrément et d'ouverture pour l'école primaire, selon lui, elle devrait être la même car l'école primaire est incluse dans l'école fondamentale. Comme nous avons une lettre d'agrément pour l'école primaire et que cette dernière est incluse dans l'école fondamentale, nous croyons que c'était la continuité. Donc, nous croyons que cette lettre couvrait tout le cycle fondamental. Émile Ngendambizi, le directeur provincial de l'enseignement dans la province de Chibitoke, demande aux élèves qui étaient à cette école d'aller se faire inscrire dans les autres écoles qui remplissent les conditions et qui travaillent dans la légalité. Et Théophile Mutsinga, le directeur de Future Hope School, lui, croit qu'ils vont réouvrir les portes d'ici peu de temps car ils sont à la recherche des documents qui leur sont demandés. Merci à toi aussi, Richard Kubgarugi. Après une courte pause, on va passer à la page santé. Vous n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. À 13h03, vous pouvez nous écouter via le www.isanganiro.org. Page santé, comme je vous le disais tout à l'heure. Les résultats de la recherche doivent inspirer les décideurs, comme le dit le prof Djuma Chaban, directeur de l'école doctorale. Dans un atelier sur la promotion de la nutrition à base de la recherche organisée ce mardi, Djuma Chabani ajoute que les résultats de la recherche ont un rôle non négligeable dans la sécurité alimentaire. Suivez. D'abord, vous savez que la sécurité alimentaire fait partie des objectifs de développement durable et que le Burundi a mis en place un plan de développement qui est basé sur ces objectifs, donc met l'accent sur la sécurité alimentaire. Deuxième objectif, l'école doctorale veut lancer des projets de formation dans ce domaine. Il fallait voir quels sont maintenant les partenariats à mettre en place, notamment avec la faculté d'agronomie et de bioingénierie. Troisième objectif, c'était d'essayer de développer les jeunes pour qu'ils aient une attitude d'abord positive par rapport à la science, mais aussi leur ouvrir des possibilités de partenariat avec d'autres universités, notamment les universités du Kenya. Les jeunes chercheurs, d'abord, nous sommes en train de les sensibiliser pour qu'ils s'intègrent dans nos programmes de recherche, à l'école doctorale, y compris la recherche dans ce domaine de sécurité alimentaire, mais aussi pour que nous puissions les intégrer pleinement dans des réseaux régionaux internationaux, en commençant par les réseaux qui sont actifs au Kenya. Donc, ils pourront participer à des programmes de mobilité, en faisant des thèses de doctorat, une partie ici au Burundi, une partie ailleurs. Nous demandons aux chercheurs nous devons d'abord les sensibiliser pour montrer que c'est un domaine important, un domaine d'avenir, et les rassurer que nous allons les soutenir pleinement à partir des moyens dont nous disposons ici, mais à partir aussi des réseaux dans lesquels nous participons au niveau international. Vos recherches sont soumises aux décideurs. Est-ce que, selon les recherches que vous aurez faites, il y a des indicateurs d'insécurité alimentaire au Burundi? Notre objectif, évidemment, c'était de faire le point pour voir où se trouve le Burundi aujourd'hui par rapport à ces indicateurs de sécurité alimentaire. Parce que tout ce qui va sortir de cette réunion et le plan de suivi vont être mis en œuvre en collaboration avec les ministères concernés. Et donc, tous les résultats vont être partagés avec les ministères qui s'occupent de la sécurité alimentaire pour nous assurer que nous avons apporté une contribution. Et page média à présent, les journalistes burundais sont professionnels puisqu'ils sont restés neutres durant le mois d'août, non seulement dans les émissions produites mais aussi dans la conduite des interviews. C'est ce qui est dit ce mardi par la consultante en monitoring de l'OMA, lors de la présentation du troisième rapport du monitoring du contenu médiatique des médias burundais. Radio Nationale, Radio Isanganiro, Radio Rema FM et le journal Iwachu, Jocelyne Nzobo-Nwanayo, indique que les journalistes doivent fournir plus d'efforts pour équilibrer au niveau d'intervenants. Suivez-la. Nous avons eu des critères qui nous ont guidés dans l'analyse. Nous avons étudié les sujets traités, les personnes mentionnées ou interviewées, l'espace qui est donné aux différents intervenants, que ce soit le gouvernement, que ce soit l'opposition, la société civile, le citoyen ordinaire. Et nous avons aussi étudié les messages qui sont véhiculés dans ces médias, s'il y a des messages de haine. Heureusement, il n'y a pas eu de messages de haine. Tous les médias, vraiment, dès le mois d'août, nous sommes contents qu'il n'y a pas eu de messages de haine, il n'y a pas eu d'injures. Les médias, vraiment, en général, ont bien travaillé, ont bien respecté le code. Ce que nous faisons dans de tels rapports, c'est pour voir si les médias respectent les principes du métier. Nous avons vu vraiment que, dès le mois d'août, les médias sous analyse ont essayé de respecter le code parce que les cas de déséquilibre, les cas des stations à la haine, les cas vraiment de dérapage ne sont pas nombreux. Même s'il y a un peu d'équilibre au niveau des intervenants, on voit que le citoyen n'a pas suffisamment de place ou la femme n'a pas suffisamment de place. Vous avez vu que la plus grande proportion des intervenants sont des hommes. En tout cas, vraiment, ce sont des choses qu'on peut améliorer facilement. Nous encourageons d'ailleurs les médias, si le travail est accompli dès le mois d'août, mais quand même, nous demandons d'améliorer à certains points, surtout au niveau des intervenants. Page sportive à présent, le trophée de deux médailles que vient de décrocher Jean de Dieu Boutoyé en Jeux Olympiques qui se tiennent en Argentine. Et l'honneur pour le Burundi et pour les fans d'athlétisme en particulier, et les Burundais en général. C'est la déclaration du président de la Fédération d'athlétisme au Burundi, Dieudonné Kwizera, surnommé Muvuduka, précise qu'au sein de sa fédération, les préparatifs vont bon train pour les prochaines compétitions internationales. Espère que plusieurs médailles seront décrochées et suivies. C'est un honneur pour l'athlétisme, c'est un honneur pour le pays, surtout quand on est capable de récolter deux médailles dans un même championnat, qui n'est pas un simple championnat, ce sont des Jeux Olympiques de la jeunesse. On a accueilli cette victoire avec grande joie, avec satisfaction, surtout que notre programme que nous avons mis en place il y a maintenant plus de 10 ans témoigne que c'est un bon programme suite aux résultats que vient d'enregistrer ce jeune. Comme vous le savez, il a gagné une médaille de bronze sur le 1500 mètres et une médaille d'or sur le 4000 mètres de cross-country. C'est une combinaison sur les résultats sur piste et les résultats sur le cross-country qui lui a donné une première place au niveau mondial. Quelles sont les stratégies que vous avez utilisées pour pouvoir décrocher ces médailles? Nous avons mis en place un programme de détection de talents. On organise des compétitions dans chaque province. Pour les jeunes, le résultat que vient d'enregistrer Jean de Dieu aujourd'hui nous montre que notre programme fonctionne. Nous comptons sur lui pour les Jeux Olympiques 2024. Nous avons un programme qui s'oriente sur 2 ans, 4 ans et 6 ans. Les gens qui vont nous représenter lors du championnat du monde de l'année prochaine à Qatar sont déjà en Europe, ils se préparent. Les gens qui vont nous représenter en 2020 lors des Jeux Olympiques de Tokyo, ils sont déjà en Europe et sont en train de faire des compétitions. Et comment vous vous préparez pour les recettes ou bien pour avoir amélioré cet athlétisme au Burundi pour la génération future? J'ai été athlète moi-même, j'étais entraîneur, j'ai été dirigeant. Aujourd'hui, je suis le président de cette fédération. Je fais tout pour que les erreurs ou bien les problèmes que j'ai connus en tant qu'athlète, en tant qu'entraîneur, ne se répètent pas. Donc, c'est pour cette raison que nous avons un programme pour les jeunes, un programme pour les juniors et un programme pour les seniors. Dieudonné Kwizera, dont les propos ont été recueillis par notre confrère Jean-Marie Vianney Ngendakoumana. Page sportive également, en bref, c'est ce mardi 15 octobre à partir de 15h au stade Prince-Louis Bwagasore que l'équipe nationale Inhamba Murugamba va jouer le match retour avec l'équipe nationale du Mali, des Aigles du Mali. C'est dans le cadre des matchs éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations qui se tiendra au Cameroun en 2019. Dans le match aller disputé à Bamako le 12 octobre, le match s'est soldé sur le score vierge de 0 but partout. Le Burundi se trouve dans la poule C, regroupant le Mali,